Sidney et Henry Cowell étaient issus du même milieu intellectuel moderniste et progressiste de San Francisco. De 6 ans son aîné, Henry Cowell fut l'un des plus grands représentants de la musique contemporaine des États-Unis et l'un de ses plus fervents promoteurs. Après des tournées de concerts en Europe et en Russie dans les années 20, il s'affaira à promouvoir les autres compositeurs modernistes des États-Unis, en fondant notamment la revue Modern Music. Proche de Bartok et de Hornbostel, il fut également un grand pionnier de l'ethnomusicologie aux États-Unis, même s'il ne se considéra jamais lui-même comme un ethnomusicologue. Sidney, fasciné par son esprit et sa musique, avait suivi ses séminaires sur les musiques du monde, en Californie et à New York, et entretint une correspondance soutenue avec lui lors de son California Folk Music Project, tandis qu'il purgeait sa peine à la prison de Saint-Quentin, à San Francisco. Entre 1938 et 1940, elle lui rendit visite à la prison une fois par mois et joua un rôle non négligeable dans sa libération en 1941 et plus tard dans son pardon. Le 27 septembre 1941, leur mariage fut célébré dans la résidence des Seeger, dans le Maryland. Les motivations de leur union furent amplement discutées par les biographes de Henry Cowell, certains allant jusqu'à supposer qu'il s'agissait surtout d'un stratagème pour faire oublier les écarts de conduite de Henry et son attirance pour les jeunes hommes. Les témoignages de Sidney, rédigés dans ses vieux jours, tandis qu'elle envisageait de réaliser une biographie de son époux, sont pour le moins contradictoires. Certaines réminiscences témoignent d'un profond ressentiment à l'égard de la tendance de Henry à exploiter son entourage, Sidney en première ligne, pour servir sa passion pour la musique et mener à bout ses nombreux projets. Il est cependant indéniable que Sidney et Henry partageaient une profonde affection et un respect mutuel. Henry et Sidney s'installèrent dans un appartement à Manhattan, puis achetèrent un cottage à Shady, près de Woodstock, dans l'État de New York. Sidney déclina une proposition d'emploi de son ancien professeur de musique, le compositeur suisse Ernest Bloch, pour pouvoir assister Henry dans ses multiples activités. Celui-ci travailla un temps pour la Pan American Union, institution dédiée aux échanges culturels entre les États-Unis et l'Amérique latine. En tant que Chief Music Consultant, il était chargé de sélectionner des partitions de compositeurs états-uniens à diffuser dans des pays d'Amérique centrale et du Sud. En parallèle, il poursuivit ses cours à la New School of Social Research à New York et obtint un contrat pour enseigner au Mills College, qui fut finalement assuré par Sidney. Cette dernière l'assista également dans ses divers projets de publication, en devenant son ghostwriter, son nègre. Des 200 articles publiés sous le nom de Henry Cowell entre 1940 et 1955, une portion très importante fut en fait écrite par Sidney. En 1942, Sidney souffra d'importantes séquelles suite à plusieurs fausses couches, tandis que Henry obtint un poste à l'Office of War Information, agence fédérale de propagande anti-nazie, où il s'occupa avec Beth Lomax Howes, la sœur d'Alan Lomax, de la programmation musicale pour l'émission radiophonique Voice of America. Durant l'été 1945, les Cowell s'installèrent dans le ranch du père de Sidney, en Californie. Puis, de retour à New York en janvier 1946, Henry décida d'écrire une biographie de son mentor, le compositeur Charles Ives. Il s'occupa durant quelques mois de la partie consacrée à sa musique, puis remit le projet à Sidney, qui passa les 7 années suivantes à compléter la biographie, alors qu'elle n'était pas à l'initiative de ce projet. Ce livre, qui parut en 1954, fut co-signé par Henry et par Sidney. Après ce travail de longue haleine, elle décréta qu'elle ne serait plus le nègre de Henry, et les publications de celui-ci se firent beaucoup plus rares. Dans les années 1950, Sidney put enfin revenir à sa passion pour la collecte et l'étude des musiques traditionnelles. D'abord par son engagement au sein du tout nouveau International Folk Music Council, aujourd'hui le International Council on Traditional Music, première institution internationale dédiée aux échanges scientifiques sur les musiques de tradition orale. Dans le cadre de celle-ci, Sidney entra en contact avec sa fondatrice, Maud Carpless, folkloriste anglaise de renom, qui avait accompagné dans les années 10 le musicien Cecil Sharp dans une campagne de collecte pionnière dans le sud des Appalaches. Ensemble, elles retracèrent cette expédition et enregistrèrent certains des informateurs rencontrés 40 ans auparavant. Tandis que Henry poursuivait ses activités de composition et d'enseignement sur la côte Est, Sidney fut professeur invité à l'Université de Californie du Sud durant les étés 1950 et 1951. En 1952, atteinte d'un cancer du sein, elle se retira en Californie le temps de sa guérison et en profita pour reprendre contact avec la famille Ford Walker, dont elle avait enregistré le répertoire de chants à la fin des années 30. Elle refit quelques enregistrements avec un magnécordeur, engin plus fidèle et surtout plus léger que la machine enregistreuse à disque qu'elle utilisait dans les années 30. C'est à cette période qu'elle entama une longue collaboration avec Moses Hash, le fondateur du label Folkways, dédié à la promotion d'un jazz de haute qualité et aussi à la publication de musique traditionnelle des États-Unis et du monde entier. Sidney publiera 3 disques chez Folkways, accompagnés de copieuses notes. Songs from Cape Breton Island, en 1955, contenant une partie des enregistrements de terrain qu'elle réalisa en Nouvelle-Écosse en 1953. Wolf River Songs, en 1956, dédié à ses collectes auprès de la famille Ford Walker. Et enfin, Songs of Aran, en 1957, issu de ses collectes sur l'île irlandaise et seule publication des enregistrements qu'elle réalisa en Europe et en Asie dans les années 50. De nouvelles opportunités de collecte s'offrirent à Sidney lorsque Henry et elle obtinrent des financements de la Fondation Rockefeller et du United States Information Service, organe de propagande visant notamment à promouvoir les arts et la culture des États-Unis à l'étranger, dans le contexte de la guerre froide, pour constituer des rapports sur les mondes musicaux classiques et traditionnels dans divers pays d'Asie et du Moyen-Orient. Après un voyage d'un mois en Europe en 1955, les Coel préparèrent un séjour d'un an en Asie. En août 1956, ils arrivèrent en Europe, où Coel devait donner plusieurs conférences. Il rejoignit aussi Sidney à Istanbul en octobre 1956, où ils rendirent visite à l'ancien guide de Béla Bartok, Ahmed Adnan Saygun, et furent escortés par l'ancien garde du corps d'Atatürk. Grâce aux généreux fonds alloués par le gouvernement et par la Fondation Rockefeller, ils purent s'installer dans le luxueux hôtel Hilton d'Istanbul. On est alors bien loin des conditions de voyage de la jeune Sidney dans les années 30, qui devait souvent camper dans la nature ou dormir dans sa voiture. Alors qu'ils se préparaient à poursuivre leur voyage en Israël, en Syrie, en Jordanie, puis en Égypte, les conflits autour de la nationalisation du canal de Suez chamboulèrent leurs plans. Ils durent renoncer à se rendre à Alep, qui venait d'être placé sous loi martiale, et allèrent directement à Téhéran, où ils passèrent tout l'hiver 1956-1957, à l'exception d'une excursion fin décembre à Madras pour un festival de musique. En Iran, les Coel fréquentèrent les hautes sphères musicales et politiques. Ils rencontrèrent le Shah, ainsi que de nombreux sénateurs et princes. Dans les petites villes du pays, Sidney parvint à enregistrer des crieurs de rue en sortant à l'aube déguisée en iranienne et camouflant sa machine enregistreuse sous un ample Shah d'or, russe qu'elle n'aurait pas pu envisager avec les anciennes machines pesant plus de 100 kg. Durant ce voyage, les problèmes de santé de Henry s'intensifièrent. Début janvier 1957, il eut une attaque suite à un vol dans un avion non pressurisé. Il passa 2 mois à l'hôpital de Téhéran, où Sidney le veilla nuit et jour. Leur voyage au Pakistan, où Sidney avait établi des contacts pour collecter, fut annulé et ils embarquèrent à la place dans une croisière de luxe qui les mena à Bombay, Colombo, puis Jakarta. Ils se rendirent ensuite à Singapour, puis à Bangkok et enfin à Tokyo, où ils stationnèrent 1 mois avant de rentrer à New York en mai, après un bref passage à Honolulu, puis en Californie. La santé de Henry déclinant, son emploi du temps fut allégé et adapté à ses problèmes cardiaques. Sidney veilla cependant à le maintenir occupé et organisa leur vie de sorte à ce qu'ils puissent continuer de composer et de dispenser quelques cours à l'Université de Columbia. Au tournant des années 1960, il était devenu un compositeur renommé, ce qui valut aux Coel de nombreuses invitations à des événements mondains, le plus notable étant sans doute un dîner à la Maison Blanche en compagnie des Kennedy et d'autres compositeurs en vogue en novembre 1961. En 1963, les Coel firent un ultime voyage en Europe. Puis, Henry sombra dans la maladie. Sidney, qui renonça à mener une nouvelle carrière de photographe, consacra les dernières années de la vie de Henry à prendre soin de lui et à soulager sa souffrance. De nombreuses attaques le laissèrent à moitié paralysé. Il lui fut désormais impossible de jouer du piano, mais il continua à composer, tandis que Sidney rejouait pour lui ses pièces au piano. tout en veillant son époux mourant et en s'assurant qu'il n'apprenne pas qu'il souffrait en plus d'un cancer incurable, Sidney s'affairait à organiser ses archives, qu'elle commençait à déposer à la Public Library de New York et à la Bibliothèque du Congrès à Washington. Au matin du 10 décembre 1965, Henry mourut, entouré par Sidney et leurs deux chats, Pepper et Strawberry.